tarde à s'éloigner. Cette planète qui l'attend charmée pour son souci d'égalité, où la nature est agrobée sous d'infini de rêvasser. Le turbopropulseur armé s'allume dans l'immensité. La Terre, jamais plus n'y penser. Un goût se douche, a changé de slip et s'installa au biomanette. Il testa d'un pas qui le dirigea vers une lumière rock tout là-bas. Il monta d'un ou deux gigas, l'atterrissage fut délicat, pas l'accueil des Wapitanga. Là où il est beau, dans son costume blanc fluo, devant nous tous acclamons notre super-héros à la conquête de monde nouveau. Là où il est beau, dans son costume blanc fluo, devant nous tous acclamons notre super-héros à la conquête de monde nouveau. Notre super-héros fut acclamé à gorges ouvertes. Lui ne comprenait pas et s'affublait de tout apparat. Les Wapitanga lui semblaient dotés de raison malgré leur apparence de primates sapiens. Mais quand il vit la pétore qui mijotait grassement, il comprit qu'il était destiné à l'assaisonner. Finalement, il n'y a pas que sur la Terre qu'on mange les plus faibles. Il faut que je trouve une combine, se dit-il, pour éviter le bouillon. Pour mieux mijoter dans le bain, il fut encensé de parfum. Acnique va finir en boudin. Quelle tragique et bien triste fin, juste au bord du tremplin soudain. Il vit sa bien-aimée au loin des lasers sortant de ses seins. Spoutnik les sauva des vilains. Il est beau dans son costume blanc fluo. Levons-nous tous, acclamons notre super-héros à la conquête de monde nouveau. Là où il est beau dans son costume blanc fluo. Levons-nous tous, acclamons notre super-héros à la conquête de monde nouveau.